Phrase 19. Observation. Promenade. Mener. Amener. Emmener. Promener. 1. Tante Georgette et Fido au Luxembourg. Fido va devant. Tante Georgette le suit. C'est Fido qui mène Tante Georgette. 2. Tante Georgette va devant. Fido suit derrière. C'est Tante Georgette qui mène Fido. 3. Fido est malade. Tante Georgette l'amène chez le vétérinaire. 4. Tante Georgette va faire un voyage. Elle prend Fido avec elle. Elle l'emmène. 5. Fido veut sortir. Tante Georgette va le promener au Luxembourg. Tante Georgette et Fido se promènent au Luxembourg. Mener, amener, emmener, promener, se promener. Rappel. Elle aime se promener, elle se promène. Il y a un changement de voyelle dans le radical suivant que la dernière voyelle est dans une syllabe ouverte, promener, ou fermée, promène. Cela est vrai pour tous ces verbes.